Simplement, je vous accueille au nom du comité d'histoire régionale et donc du conseil régional Grand Est, dorénavant. Vous savez que le nom est en place depuis un mois et demi maintenant, de manière officielle, validée par le Conseil d'État. Un nouveau périmètre régional, c'est le premier colloque que l'on a l'occasion de faire dans cette nouvelle configuration territoriale. Vous l'avez sans doute remarqué, cette configuration territoriale se ressent dans le programme, puisqu'on a le plaisir d'accueillir toute une série, une demi-douzaine d'interventions qui concernent l'Alsace notamment. La Champagne est certes beaucoup moins représentée, en tout cas pour des interventions spécifiques. Là, c'est un peu le fruit du hasard et des réponses à l'appel à contribution qu'on a pu passer il y a maintenant un an. Néanmoins, elle ne sera pas, la Champagne-Ardenne, tout à fait absente, puisqu'elle sera évoquée dans plusieurs communications de synthèse au cours de ces deux journées. Alors j'excuse les élus, M. Philippe Richert, président du Conseil régional, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, ainsi que Pascal Mangin, le président de la Commission Culture. Ils sont retenus notamment parce qu'au moment où la date de ce colloque a été posée, la nouvelle région n'existait pas et on ne pouvait pas savoir et anticiper qu'aujourd'hui il y aurait une commission permanente qui, vous le comprenez bien, retient la plupart des élus au conseil régional. Donc nous aurons la présence demain de Jackie Elfgott, que certains connaissent peut-être pour les Lorrains, puisqu'il est adjoint à Thionville, mais qui est également conseiller régional et qui a une délégation au titre de la mémoire, et qui donc nous dira un mot au titre du conseil régional demain au début d'après-midi. Année de transition encore pour le comité d'histoire régionale, et puis je ne serai pas beaucoup plus long sur ces sujets, avec un site internet qui a été indisponible pendant de longs mois, certains le savent, qui est à nouveau disponible depuis une semaine, alors avec encore quelques petites choses qui sont imparfaites et qui mériteront d'être améliorées, mais qui me permet de vous annoncer d'ores et déjà que d'ici Noël, vous pourrez retrouver sur le site internet à la fois le replay, je dirais, audio, les enregistrements audio du colloque de l'an passé, et ce, si tout va bien, de cette année, en attendant, bien sûr, la publication des actes qui est prévue au printemps 2017 pour le colloque de l'an dernier et au printemps 2018 pour le colloque qui nous occupe aujourd'hui et demain. Ça me permet de rappeler aux auteurs que les textes sont attendus pour le mois de février. Voilà, c'est la première fois que le message passe, il repassera peut-être plusieurs fois au cours du colloque. Voilà, et puis je finirai tout simplement en vous remerciant tous pour votre présence, pour ces travaux qui vont nous réunir donc sur un thème qui est varié, qui est dans une grande diachronie de l'Antiquité au XXIe siècle, qui est un peu une marque de fabrique des colloques du comité d'histoire régionale, qui ont vocation à permettre une approche, alors certes parfois un peu décousue, ou en tout cas dans laquelle il faut retricoter des liens, mais qui a le mérite d'éviter un entre-soi entre spécialistes d'une période ou spécialistes d'une discipline. Et je suis très heureux que l'on puisse avoir à ce colloque à la fois des archéologues, des historiens, des géographes, des gens qui sont plutôt sur une approche sociologique, des architectes, et que l'on puisse travailler sur ces sujets avec une approche longue. La reconstruction, ce n'est pas uniquement 1918 et 1945, ça existe aussi auparavant, et notamment en 1870, les fortifications, c'est un élément qui est structurant et récurrent. Et donc, on a le plaisir de pouvoir aborder ces sujets et de faire une assez large place au XXe siècle également, avec notamment un beau focus sur la reconstruction et sur les bases OTAN dont il sera question. Voilà, je vous souhaite un bon colloque et je passe la parole à Laurent Jalabert pour l'introduction scientifique. Donc, merci Vianney pour la transmission de parole et puis pour le propos. Alors effectivement, je m'associe pleinement en tant que président du comité scientifique du comité d'histoire régionale. J'adore ce titre à la mexicaine, je trouve que c'est très intéressant, très long. Et donc pour effectivement m'associer pleinement au partage de la dynamique, et ce qu'il a souligné, la volonté toujours d'être dans la diachronie. Alors, ça peut paraître d'un point de vue scientifique parfois un petit peu étrange, mais c'est important, d'autant plus qu'on souhaite toujours maintenir bien sûr un haut niveau de qualité dans les interventions, ce dont on ne doute pas évidemment. C'est l'importance du rôle du comité scientifique, et que je remercie ici pour son travail, d'intervenir en plusieurs fois hein, par an, pour justement pour essayer de serrer au mieux le profil des interventions et donc aussi donc des intervenants. Qui évidemment, c'est très intéressant le fait que ce soit très ouvert et sur des thématiques comme celle-ci. Et c'est d'autant, il faut le rappeler. Alors ce colloque s'inscrit donc dans le cadre d'un cycle qui est consacré au conflit. Ça, c'est une volonté également du comité d'histoire régionale. Alors c'est un cycle qui a été initié en 2014. Alors c'est bien sûr en écho à ce qui se passe avec le centenaire de la Grande Guerre. Et il s'agit là donc 2014, 2016, et à chaque fois, vous avez remarqué, il manque une année. Là, il y aura autre chose en 2018. Entre, il y a une petite pause, une autre thématique, hein, on en reparlera vraisemblablement. Et donc ici, le premier volet a été consacré en 2014 à la question des conflits et des progrès scientifiques et techniques, dans le cadre donc de du grand colloque annuel. Donc, ici, maintenant, donc, ce qui va nous intéresser, ce sont les relations entre les conflits, hein, la guerre, l'armée, ce qui sert... prépare aussi la guerre, donc, et dans ses relations avec l'urbanisme et le territoire. Alors ça, c'est une notion assez intéressante, je vais y revenir très rapidement, hein, c'est que nous sommes sur la notion d'espace. Peut-être pas tant dans la question de la verticalité, même si on va évoquer la question de la reconstruction, mais Vianney a souligné la question des bases OTAN. Là, bah, c'est typiquement, là, c'est l'emprise spatiale, et on n'est pas tant dans la verticalité que dans l'horizontalité très large. Alors en effet, au fil des siècles, la présence militaire et les conflits armés, hein, les deux sont indissociables ou presque, surtout dans notre région, ont profondément imprimé leur empreinte et leurs empreintes dans l'espace du Grand Est, pour ne prendre que celui-ci, celui qui nous intéresse, contribuant de fait à la fabrique, hein, c'est le titre choisi, la fabrique de la ville. Alors, la fabrique de la ville, évidemment, faut l'entendre, fabrique également du village. Hein, il n'y a pas d'exclusion, ce n'est pas l'hyper-urbanité que l'on cible spécifiquement ici. Et donc, fabrique également des territoires. C'est ça qui me semble intéressant dans certaines interventions, notamment, c'est qu'il y aura bien la volonté de montrer l'articulation, hein, qu'il va y avoir entre certains pôles, nécessairement, là où il y aura une base, une caserne, une ville, des fortifications, et un territoire beaucoup plus large. Un peu, c'est l'aspect tentaculaire, bien sûr, de cette présence militaire. Pour ne prendre que l'espace, alors, Lorrain, Grand Est, hein, je ne vais pas jouer sur les mots sans cesse, on sait tous que c'est un espace de frontières, hein, frontières dans le temps qui ont non cessé de bouger avant de se, plus ou moins de se stabiliser, jusqu'à voir disparaître des frontières ou tout au moins leur donner une autre dimension. Hein, quand on pense encore à ce qui se passe au moment de la guerre froide, là on pense à un autre niveau de projection. Donc quoi qu'il en soit, un espace de frontières, espace marqué profondément, vous le savez tous, par les guerres, je ne vais pas vous faire le listing ici des guerres, et on voit bien justement que la guerre au sens général, hein, active ou en préparation, a produit quelque chose, elle a produit de la ville dans des interactions qui sont complexes. Ça, c'est un fait qu'il faut souligner. Parler de la guerre, ça sous-tend de parler de l'armée, de la présence militaire, en temps de paix comme en temps de guerre. Et derrière cela, évidemment, il y a des choses que vous connaissez tous. Hein. Il y a le fait d'avoir une enceinte fortifiée. Vous savez tous que ces enceintes fortifiées elles ont évolué dans le temps jusqu'à éclater littéralement dans un espace avec, par exemple, ces forts détachés, hein, dans les systèmes de fortifications actives, plus tardifs, hein, au XIXe siècle, par exemple. Production d'espace, hein, qui a eu une incidence forte sur la ville, hein, parfois jusqu'en la contraignant parfois dans son espace ou en libérant après, si on prend toujours le cas des fortifications, au moment où on va déclasser certaines fortifications et donc ouvrir les murs de la ville. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, de nouveaux plans d'urbanisme qui sont en mise en œuvre. Donc, interaction entre guerre, armée, urbanisme. Alors, je fais un couple à trois, si on peut dire, un trio ici. C'est une interaction qui n'est pas nouvelle, elle est loin de là, effectivement, hein, depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité, de toute manière. Hein, on pourrait citer des exemples de fondations romaines, de garnisons romaines, qui après ont donné lieu à des grandes villes qui existent toujours, sur le Rhin notamment, mais pas seulement. Et c'est cette triple interaction en quelque sorte qui va être soulignée ici à travers les études et les travaux et d'autres qui existent. Alors je me permets ici de souligner qu'il y a au moins deux choses que l'on peut mettre en avant concernant un livre notamment. Vous connaissez certainement l'Atlas de la ville de Metz qui est sorti il y a peu de temps, peut-être 2 ans de mémoire à peu près. environ, hein, qui est le fruit d'une collaboration de jeunes chercheurs notamment, qui est très intéressant, qui fournit un... Alors, il n'y a pas que l'aspect militaire, mais connaissant la ville de Metz, il y a une forte interaction avec le militaire, et ça a donné lieu à des zooms, hein, sur l'évolution spatiale et bien sûr historique de la ville de Metz, et qui nous permet, nous, d'entrevoir, hein, pour mémoire au moins, ou pour action scientifique, d'entrevoir l'intérêt qu'il y a à croiser, évidemment, le militaire au sens très général avec la ville. Hein, il y a également ce projet que je pilote, Empreinte militaire, hein, que vous trouvez sur le WICRI, ou le TICRI, donc de l'Université de Lorraine, hein, sur les empreintes militaires, où là aussi, dans une volonté de diachronie, et puis ici, il y a certains contributeurs qui sont dans la salle, hein, donc permet d'offrir au public un peu une vision et des zooms sur certains de ces aspects. Donc vous voyez qu'ici, on est également en porosité, évidemment, avec une actualité de la recherche. Quoi qu'il en soit, donc, pour ne pas être trop long, souligner une double dynamique, hein, qui va, je pense, traverser une partie des communications, c'est que la ville, alors ville-village, hein, mais bon, on va dire la ville, dans son rapport obligé donc avec le couple armée et guerre, hein, a pu être contrainte dans l'espace. C'est l'image des fortifications qui enserrent, qui emprisonnent un petit peu la ville. Vous pensez à Nancy, qui pendant longtemps a été contrainte dans son espace. Mais elle a également pu voir son espace dynamisé pour la même raison. Hein. Pour dire les choses autrement, on peut bien voir qu'il y a eu peut-être d'un côté l'idée que la ville a subi le couple armée-guerre. Il suffit de penser aux destructions. Vianney évoquait la question des reconstructions, mais bon, la destruction à la base, par exemple, ou le fait qu'on subit parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur l'ensemble urbain, parce qu'il y a des fortifications, parce qu'il faut laisser de la place pour des terrains militaires, etc. Hein. Mais il faut bien voir aussi que la ville a bénéficié de la présence militaire et aussi, il faut oser le dire parfois, de la reconstruction liée suite à des guerres. Hein, il y a des villes qui ont pu connaître de nouveaux souffles, alors qu'auparavant, elles étaient dans une forme d'anémie urbaine, en quelque sorte. Donc, la région fournit de larges exemples qui vont permettre de détailler un petit peu, je pense, c'est pas une ambiguïté, hein, c'est un constat, hein, donc, sur ce double rapport positif-négatif, en quelque sorte, entre l'armée, la guerre et la ville. Autre chose à souligner, hein, c'est que, qui montre bien l'impact de la présence militaire et de la guerre, c'est bien sûr l'observation des paysages. Hein, et là, on retrouve la question de la diachronie, et qui dépasse largement la simple ville, évidemment, hein, les paysages. Et vous savez tous, en circulant en voiture ou en train, il y a des paysages. Il suffit de porter son regard dessus pour deviner que là, il s'est passé ou quelque chose, ou qu'il y a eu une présence militaire plus ou moins durable. Bien sûr, il y a celle des guerres, mais pas celle-là. Hein. Pas seulement celle-là, il y en a d'autres. Tout simplement, des fois, vous savez, à ces gares qui paraissent un petit peu étranges dans certaines de nos campagnes, hein, qui rappellent la structuration, bien sûr, en cas de mobilisation, hein, ces quais militaires sur les voies ferrées, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que voilà, il y a des empreintes plus ou moins diffuses. Tout au moins, il faut se faire l'effort parfois d'essayer de se questionner pour comprendre pourquoi ces traces sont encore là. Pour finir donc ce rapide propos, je voudrais mettre le doigt sur un point particulier, parce que ça m'intéresse et c'est pas seulement pour ça, parce que scientifiquement c'est un point important. Lorsqu'on évoque la question de la guerre et de la ville, on pense bien sûr à la présence des troupes, il y a également la destruction, hein, et la reconstruction. Et derrière cela, il y a un processus, tout au moins des processus, parce que c'est jamais monolithique, et il y a des processus du souvenir et de la mémoire, et que je pense qu'on ne peut pas occulter notre réflexion lorsqu'on aborde un sujet comme celui-ci, d'autant plus que, et ça vous le savez tous, on est, nos espaces, notamment les villes, sont dans une phase assez particulière actuellement. Si vous prenez l'exemple de Nancy, c'est assez révélateur, mais l'exemple de Metz serait la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à un moment où il y a la restructuration des armées qui a vidé en grande partie notre région et nos espaces de la présence militaire. Je mets de côté la guerre, parce que fort heureusement la guerre est un petit peu lointaine pour nous, mais cette disparition du paysage visuel, tout au moins déjà des hommes et après progressivement des structures, interroge. Hein, et c'est là que je reviens sur ce point du souvenir et de la mémoire, que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas conserver dans la question de l'urbanisation et donc dans la structuration de nos territoires. Et ça, je pense que c'est un point qui vraisemblablement transcendra également ici, ou qu'on verra émerger ici ou là, dans certaines des communications. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers cette thématique, il y a l'oubli certainement d'un passé qui est à la fois long, sur plusieurs siècles, et aussi un passé beaucoup plus récent, militaire, hein, toujours militaire, mais plus récent, avec notamment les guerres contemporaines, et un oubli qui est parfois le fruit de certains choix urbanistiques. Prenez le quartier Blandan à Nancy, hein, bien sûr, il reste des choses, mais il suffit de prendre, M. Labrune est présent, on en a déjà discuté, il suffit de prendre l'ancien hôpital Cédillot, faire un sondage même parmi les membres du conseil départemental, qui se souvient que c'était un ancien hôpital militaire. C'est pas spontané. Hein. Et le fait de restructurer l'ensemble du quartier, bien sûr, va à terme poser certainement des questions de souvenirs et de l'effacement progressif justement de la présence et de la trace du militaire et de l'impact du militaire sur cette partie de la structuration de la ville. Hein. Bref, pour dire les choses autrement, on voit bien l'intérêt qu'il y a, enfin j'espère, à s'intéresser sur la fabrique de la ville au travers du fait militaire, s'il faut bien le caractériser, car je viens de le dire, ce dernier a tendance à s'étioler, à s'effacer, plus ou moins, et même si actuellement, et dans le cadre de la dynamique du centenaire, on va s'intéresser aux questions de la reconstruction notamment, hein, vu qu'on suit le processus des années. Je m'interroge personnellement sur la durabilité, si vous voulez, du questionnement par rapport à ces questions-là, et donc tout simplement déjà du souvenir et de la mémoire même de la Grande Guerre. Donc un colloque, le nôtre, celui qui nous réunit pour deux jours, hein, qui se veut une contribution à un retour sur nos paysages urbains notamment, et afin de fournir des clés de lecture pour qui veut s'en saisir, parce que c'est toujours la même question, hein, il y a des tas de gens, on ne va pas se voiler la face, qui passent devant beaucoup de lieux, qui ne s'interrogent pas sur les lieux qui les entourent. Et qui structurent de toute manière leur quotidien aussi. Ça, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Il s'agit bien de comprendre comment c'est mutuellement nourri ce couple guerre-urbanisme, en quelque sorte, hein, ou ville et armée et guerre, hein, pour reprendre le titre du colloque, et quelles en sont un petit peu les traces que l'on peut lire. Et en cela, et je terminerai par cela définitivement, il faut bien voir que ce colloque du CHR, il sera, on va dire, complété, hein, par un autre colloque, pour octobre 2017, piloté par la DRAC, je me permets de l'annoncer ici, parce que ça va aborder quelque chose de très complémentaire, et le titre de ce colloque pour octobre 2017, c'est « Architecture et urbanisme de la reconstruction après la Grande Guerre en Lorraine ». Architecture et urbanisme, on sent bien que nous, on est plus sur une dimension ici spatiale, large, une sorte d'étalement, hein, alors que là, on sera davantage dans une forme de verticalité, parce qu'on sera plus dans quelque chose d'architectural. Hein. Donc, il n'y a pas de concurrence, bien sûr, entre ces deux colloques, mais bien la volonté de complémentarité. Donc, avant de passer la parole aux intervenants, ce sera plus intéressant, je tiens à remercier donc, bien sûr, ces derniers pour leur investissement scientifique, parce que c'est toujours un travail, il faut le rappeler. Les membres du CHR, hein, j'ai parlé des membres du comité, et aussi tout particulièrement Vianney, c'est pas de la flagornerie, hein, et heureusement que Vianney est là pour bien des choses, Vianney Muller, Elisabeth Pacari, Sophie Weber, et donc toute personne que je pourrais oublier de citer, mais qui sont les personnes essentielles, hein, pour que la tenue de ce genre de manifestation, et donc bien sincèrement je les remercie pour leur activité, leur activisme parfois, pour que les choses se fassent au mieux. Alors là, pour le colloque, et puis pour tout ce qui se passe tout au long de l'année dans le cadre du CHR. Voilà, et je me tais.